funk des années 90, comme pouvait faire Teenage Laurence de Felt. Ah ouais. Ça fait des beaucoup plus country. Non, mais comme faisait Win. Moi, Win, ils ont pas arrêté de faire des blagues. Moi, je dois dire que je suis en fait, je me suis rendu compte récemment, je suis très influencé par Win, le groupe Win. Ta façon d'être. Dans ma musique. Dans ma musique. Ta façon de te nourrir. Dans ma musique. Ok, ouais. On n'est pas obligé d'écouter ça jusqu'à la fin. Non mais tu crois, c'est pas une blague, c'est un hommage. Pourquoi ce serait forcément ironique, tu vois? Ah, tu le sens. Tous les Anglais, ils étaient. Non mais autant le. Autant le. La reprise de la balle est très habitée. Bah là c'est une reprise à l'identique, c'est normal, ça se fait. Hein. Tu connais l'original? Je sais pas, ça doit être. Qui Reeves, ouais, ouais. Machin Reeves. Comment John Wayne? Non. Steve Lacy. Jim Reeves, voilà, ou Jim Moreau. Romaric. Hendrick. Romaric, aide-nous. Bon, j'en sais rien, moi. Mais je pense pas que ce soit si. Alors, moi, je dois t'avouer quelque chose, Nicolas. C'est la troisième chose que je t'avoue ce soir, je crois. J'en ai rien à branler de la country. Voilà. Donc c'était l'introduction de l'émission. Merci Nate d'être revenu aux entretiens de Grenoble. Salut. Salut à tous. Une émission qui va porter sur la country de manière toujours assez superficielle. Yes. Et la musique du sud, on va dire. Cajun et bluegrass un peu. Ouais. Bluegrass, c'est pas trop considéré comme la musique du sud, quand même. Mais... Si. Ah ouais. Non, mais vu que ça vient des Appalaches. Oui, c'est un peu plus haut, plus au nord. Ouais. Mais ça descend assez bas. C'est toujours un peu country western, bluegrass. Voilà. Donc, merci. On met le. Ah, donc, avant, c'était l'émission d'Hendrick. Voilà. Donc, il y a un morceau hyper connu de country pour les Américains. Okay. Neil McCoy. If I was a drinking man, et on en reparle après. Merci à tous. If I was a drinking man, like I used to be. Get myself a bottle and you'd be history. You made me a thinking man when you walked out. If I was a drinking man, I wouldn't need you now. I've learned to live without you one day at a time, even though you're always on my mind. There's a bar around the corner, if I wanted to forget, but I ain't giving up on our love yet. If I was a drinking man, like I used to be, I'd get myself a bottle and you'd be history. You made me a thinking man when you walked out. If I was a drinking man, I wouldn't need you now. Knowing me like you do, kind of fool I've been, you probably think I'm three sheets to the wind. I wish that I could tell you that I'm feeling no pain. Oh, you should see how much I've changed. If I was a drinking man like I used to be, I'd get myself a bottle and you'd be history. You make me a thinking man when you walked out. If I was a drinking man, I wouldn't need you now. If I was a drinking man, I wouldn't need you now. Yes, Neil McCoy. If I was a drinking man, donc ça veut dire qu'il effectivement il a arrêté de boire grâce à cette fille, mais qu'il le quitte maintenant en fait. Ah d'accord, d'accord, tu vois, j'ai compris. Maintenant il est a thinking man, mais s'il avait continué de boire, ce serait plus un problème cette fille. Oui, parce d'accord, qu'il, d'accord. Il se saoulerait et puis. Alors, je comprends. C'est très beau quoi. Oui, du coup, il a une sorte de sensibilité qui revient en ayant quitté l'alcool. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. C'est voilà. Je ne sais plus quelle année c'est. Ah, c'est 93, je crois, ou 15. C'est dans le. Ouais. Voilà. 95. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça aussi. Parce que je trouve que le country music, c'est une des seules musiques qui parle vraiment de la boisson. Et, oui, de boisson, de boire, de l'alcoolisme, tout ça. Ouais, ouais et, c'est vrai. Et qui. C'est aussi peut-être la seule musique qui défend. Farouchement l'alcoolisme comme mode de vie, ouais, pas oui. Dans ce morceau-là, mais dans des autres. C'est, bah ouais, ouais. Bah là, bon, ouais. C'est un ancien alcoolique. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, c'est vrai. Il y a plein de morceaux. Toby Keith, I Love This Bar, ou je sais plus. Donc Asker on Tequila, Tequila Night, on Straight ouais. Tequila Night. Je sais plus qui c'est. Oui, oui. Qui parle d'une femme qui, du coup, qui tu la vois souvent dans le bar, mais si c'est le soir où elle boit des tequila, il faut pas, ah oui, il faut pas la brancher parce que d'accord. Ça veut dire qu'elle pense à son mec. Ah d'accord. Et que. D'accord. Ouais. Donc, j'ai quelques morceaux aussi. J'ai ce morceau Whiskey Glasses. On peut peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ou maintenant comme. En fait, je voulais commencer avec le morceau de Luke Bryan parce ouais, que je trouve okay. que c'est intéressant. Alors oui, en fait, oui, j'ai commencé à écouter le country radio, le nouveau country radio, grâce ouais. Après une visite aux États-Unis. Et mon pote Rob, il a commencé à. Qui tu jouais dans? Oui, j'ai fait la musique avec lui. Francisco Davis. Il habite à Philadelphie. Et quand j'ai visité à Philadelphie, il a écouté le nouveau country radio et j'ai découvert que c'est devenu vraiment c'est une musique très bizarre, le nouveau country. C'est un mélange de toutes sortes de différentes formes de musique, ça trappe. Oui, oui, ça approprie beaucoup de choses, de rap, de rock, ouais. De tous. Pour s'adresser à un public jeune, quoi. Plus jeune que pas forcément. C'est juste mais les thèmes de la musique des thèmes de quand ils chantent c'est toujours les mêmes thèmes de parle de boire, de dépression, de tout ça mais dans une façon très je sais pas. Oui, mais j'ai commencé à écouter une station de radio de Georgia qui s'appelle Kicks Country et j'ai découvert tous ces nouveaux morceaux que j'aime bien. Il y a ce morceau ici, Luke Bryan, ça s'appelle What Makes You Country. Ok. Et c'est l'idée, c'est que on peut être country, c'est une identité, c'est une identitaire, mais il dit que ça peut, il y a plusieurs choses qui peuvent te rendre, comment on dit, te rendre, que rendre country. Fait que tu es country. Oui, alors on va écouter ça, peut-être on va Let's parler après out. De What Makes You Country, What Makes All Me right. Country. Luke Bryan. Yes. Mm-hmm. people talking about what is and what ain't country. What gives them a right to wear a pair of beat-up boots? Is it the size of your tires and your fires or your wild-ass buddies? Well, give me a minute, let me hit you with some hometown truth. You can be a cowboy on the Texas plain, or a plowboy waiting on the rain. We're all a little different, but we're all the same. Everybody doing their own thing. I got my dirt road cred when I was 12, on a no-cap tractor hauling in bales, bagging in boats, fishing limb lines, running bird dogs through the Georgia pines. Stepside covered down in peanut dust, Friday night spotlighting, that was us. It might not have been you, but I can't judge. Just be proud of what makes you country. Does it run in your blood? Did it come from your daddy and mama? Were you converted by an Alabama song on the radio that feels so right? Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Me, I got my Sunday learning in a live old church. Silver Queen corn in the backyard dirt, waiting for the fall to finally come along, so I can grab my gun and get my outside on. Step side covered down in peanut dust, Friday night spotlighting, that was us. It might not have been you, but I can't judge. Just be proud of what makes you country. From a city or a little farm town, whatever kind of square that you drove around, do you wear it on your sleeve or keep it deep down? You know you gotta let it out. I got my dirt road cred back when I was 12, on a no-cap tractor hauling in bales, bagging in boats, fishing limb lines, running bird dogs through them Georgia pines. Step side covered down in peanut dust, Friday night spotlighting, that was us. It might not have been you, but I ain't judging. Just be proud of what makes you country. Whatever makes you country. Country, they doing their kind of country. I do my kind of country. Whatever makes us country. Yes. Okay. Oui. Alors oui, c'est le message, c'est que c'est. Que tout le monde peut être country. Tout le monde peut être country. Même c'est si tu es noir, tu viens de Philadelphie. Oui, oui. Il ne dit pas ça, mais. Il ne le dit pas. Oui, il ne le dit pas. Et c'est vrai que dans la vidéo, pour ce morceau, c'est plutôt des blancs. Quand même, le country, c'est plutôt des blancs en général, non? Enfin, bon. Ouais. Bon, il y a Charlie Pride. Non, mais c'est mais comme. Alors, comment il s'appelle? Il y a un autre. C'est quoi le truc, Charlie Pride? Alors, c'est. Oui, bon, je sais pas. Oui, ça reste plutôt un truc des blancs, c'est vrai. Mais Le bluegrass aussi, hein, c'est un truc de blanc. Oui, mais j'aime bien le concept, c'est que on peut pas dire ce qui est country, ce qui n'est pas country. Tu fais le country dans ton propre façon. Alors, tu peux vivre dans une ville, tu peux être un cowboy, ouais. Ou un plowboy, ça veut dire quelqu'un un paysan, plow, c'est un paysan bêcher, des, non, c'est ça. Oui, le Midwest qui dit plow, qui pousse le maïs ou le soja. Mais plow, c'est. Non, oui, mais le plow, c'est plutôt les. Mais non, c'est tout est mécanique. Oui. Ok, oui, ça. Mais. Mais c'est aussi c'est d'être ouvert aux nouvelles formes de country, parce qu'il y a des stars de country qui sont un peu plus ils ressemblent pas à Johnny Cash ou même Alan Jackson, ils ressemblent plus à des stars de rock ou de rap ou pop, et alors c'est un peu c'est vrai que ouvert. Même dans la pardon. De laisser ouvert le monde de country à des autres formes de country qui sont plus commercialisées aussi, le nouveau pop country qui n'est pas vraiment le vieux country des cowboys. Je me souviens d'un j'étais allé l'année dernière à Nashville à une conférence. Donc dans le partout, ils passent de la country un peu moderne. Oui. Et en fait, j'étais avec des gens de ma boîte, donc c'est une boîte, enfin la filiale de ma boîte, ils sont à Knoxville, Tennessee. Oui. C'est des blancs. Oui. Et justement, ils pestaient sur cette nouvelle, sur la country qu'ils entendaient. Ils n'aiment pas ça. Voilà, ils n'aimaient pas ça. Ou alors, ils pestaient même sur la 90s country, je crois, un truc comme ça. Mais c'est un peu, c'est un peu le génération. Les gens cool aussi, ils vont dire, ah oui, c'est Johnny Cash, c'est cool, Hank Williams, c'est cool, mais George Strait, c'est pas cool, ou Luke Bryan, c'est nul, Toby Keith, c'est nul. Ah ouais, c'est bizarre. Moi, j'aime bien tout. Ouais. Et ben Nate aime bien tout, qu'on entend derrière. Là. Oui. Qui fait des reprises. On passera une reprise. Ça, c'est Tan. Ça, c'est Tan, ouais. Ah oui, c'est cool. Mais attends, je voulais te demander, Nico. Ça sera un morceau après. Je voulais te poser la question de Luke Bryan. Alors, what makes you country? Ah, what makes me country? Parce que je crois que tu es quand même un peu country. C'est une bonne question. Peut-être que. Ben, je crois que de moins en moins je suis country, mais est-ce qu'on peut rester country maintenant? Mais enfin, t'es grandi à la campagne, non? Ouais. Oui, c'est vrai. Ben, tu viens des montagnes du Jura? Ouais, mais c'est pas là, t'es pas country. Moi, j'ai appris à être country quand j'étais aux États-Unis. Ah oui, mais c'est ça aussi que t'as passé du temps dans le Midwest à boire du bourbon, du boulet pas cher. Ouais. Et je sortais avec une bartender. Alors tu vois. Bartender. That makes me country. Ouais. But en même temps, personne n'aime la country dans les milieux où j'évoluais. Ah bon? Trop quoi. Ben ouais. Parce que c'est de la musique quand même conservatrice. Ouais. Plutôt de droite en fait. Ouais. Malgré tout, c'est considéré comme tel. De manière générale. Ouais. Bon, ce qui est vrai, pas vraiment. Enfin, je crois que, tu vois, par exemple, comme Toby Keith, je crois qu'il soutient Trump. Ouais. Enfin, il y a vraiment des stars de la country de ces années-là qui. Voilà. Ouais. Donc, c'est dur à réconcilier. Non enfin, je sais pas réconcilier, mais bon, bref, je sais pas. Voilà, parce que tout ce qui est décrit aussi dans ces là dans le morceau d'avant, c'est des je sais pas, c'est des trucs de blanc comme on dit. Ouais, voilà. Enfin, c'est le but de cette émission aussi, hein, De s'intéresser à cet objet musical. Et tu vas me poser la question de Luke Bryan aussi. Oui, alors what makes you country? Alors j'ai passé 6 mois à Texas. Ok. Alors déjà, ça m'a fait bien country. Moi, j'ai ma grand-mère et un gourou Quaker de Connecticut. C'est pas très country, mais elle habite quand même dans la campagne. Et j'ai passé. Tu peux redire Connecticut? Connecticut. Ok. Connecticut. Tu essaies de le dire en français, quoi. Oui, c'est vrai, c'est horrible. Connecticut. Mais elle vient de Connecticut. Elle est un gourou Quaker à la campagne. J'ai passé mes étés souvent avec eux d'aider mon grand-père qui était fabriquait des meubles, à couper le bois et tout ça. Mais alors même si j'ai grandi dans une ville et j'ai plutôt vécu dans les villes, je me sens un peu country aussi. From the country. From the countryside. Ouais. Mm-hmm, mais tu crois pas que country c'est encore quelque chose d'autre? Pas simplement un rapport au country. C'est oui, mais c'est une connexion dans la vie rurale. Ben pas seulement, puisque tu peux venir de la ville et tu peux te sentir country. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois. Ouais. Bon, désolé. I do my kind of country. Ouais, voilà. Ouais. You do your kind of country. Non, ok, ça marche. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on met maintenant? Est-ce qu'on mettrait pas un petit, Toby Keith? Ou alors on peut passer sur... Comme tu veux. Allez, on met un dernier morceau, country. Bon, même si je pense que tout le monde a bien compris ce que c'était. Ouais. Bon, je le mets parce que c'est aussi un... En même temps, ça sert à promouvoir le prochain album de Tan, okay, qui sont des reprises de morceaux country, et le, dans celui qu'on va écouter, Toby Keith, Wish I Didn't Know Now. I never ask you where you're going. I've never asked you where you've been. I've never called and checked your story. You stayed out with all your friends. I've never tried to catch you lying. I didn't want to know the truth. I'd rather go on loving blind, girl, then go on loving without you. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. I'm not saying that you would ever be true. I just don't want to know how it ends. You'd still have my heart in the palm of your hand. I'd still look like a fool in front of your friends. Somehow I didn't know now what I didn't know then. I've always said what I don't know. Couldn't hurt as bad as leaving you. Turns out I knew what I was thinking. It ain't an easy thing to do. Well, I guess I should be going. I sure found out too much to stay. Please don't say you're sorry. I might wait another day. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. Not saying that you could ever be true. I just don't want to know how it ends. You still have my heart in the palm of your hand. I still look like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. This time, if you want me to come back, it's up to you. But remember, I won't allow the things you used to do. You're gonna have to toe the mark and walk the line. This time will be the last time. This time, if I should feel unwanted, I won't stay. Each tomorrow will depend on the love you give today. It's all up to you, but keep in mind, this time will be the last time. This time should be anything like the other time. This time will be the last time. If this time should be anything like the other time, this time will be the last time. Yes. Ouais, qu'est-ce qu'on disait ? Peut-être on a entendu, j'ai pas coupé le micro, mais bon, bref. Ah, mince. Ouais, c'était un peu les deux morceaux qui parlent de rupture. Des réunions. Ouais. Alors, le Toby Kiss, c'était plus. En fait, j'ai été tolérant avec ce que t'as fait. Et maintenant que je sais, j'aurais préféré ne pas savoir ce que je ne savais pas. Oui. Voilà. Donc, Le deuxième morceau, c'était This Time by Waylon Jennings. Ouais. Et l'idée, c'était. On va essayer encore, mais si ça se passe comme avant, c'est fini. C'est fini. Oui. Ouais. C'est pas exactement pareil. Non. Mais bon. C'est quand même bizarre, ces mecs qui souffrent. Mais bon. Ces mecs qui souffrent, voilà. Mais c'est souvent ça aussi. C'est souvent des mecs qui souffrent. Parce qu'on parle aussi de le country, on parle de c'est les armes, le patriotisme, le whisky, tout ça. Mais c'est aussi le douleur émotionnelle, c'est très romantique. Oui, mais aussi. Bon, est-ce que t'as ramené un morceau de Dolly Parton ? Non. Non. Bon. Non, j'ai que des mecs. Voilà. Alors tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est comme si les femmes ne souffraient pas. Ou... Oui, c'est vrai. Comme si leur souffrance était moins noble. Bref, donc voilà, une musique en avance sur son époque. On enchaîne, on passe un peu à des trucs moins critiquables, on va dire, on peut revenir sur la country. Enfin, pas critiquable, mais disons, je sais pas. Non, mais je voulais juste, avec le Waylon Jennings, parler parce que, en fait, ça c'est un peu la période que j'aime beaucoup dans la country. C'est quoi, années 70 ? Oui, non. C'est 72, je crois, ouais. C'est le début des années 70. Il y a beaucoup des très, très, très bons disques de Waylon Jennings ou George Jones ou Merle Haggard. Ouais. Et c'est vraiment bien produit. C'est un. Très riche. C'est des gros moyens, quoi. Oui, ça s'entend. C'est. S'il y a des écouteurs qui n'aiment pas trop tous ces trucs dans les années 90, dans les années 2000, faut peut-être regarder les choses de l'année 70. Ouais. Parce que moi j'aime bien ça. Ouais, aussi. C'est vrai. Mais bien sûr, il y a les pionniers. Enfin bon, et après il y a les années 50. Mais Ouais. Par exemple, là ce qu'on entend, c'est quand même. C'est quoi ça ? C'est Toby Keith. Ah, c'est Toby Keith, donc quoi. Ouais. On est loin. Là on bon voilà ça c'est vraiment corny. Ouais. Les dernières fois. Ça c'est corny. Ouais. Bon, comme tout, il faut trier. Allez, on met pour changer le. D'accord. To shift gears. Yes. Comme on dit en américain. On va parler de bluegrass, donc qui est un peu moins musique du sud, mais quand même malgré tout. Voilà, on va voir ça un autre. Notre délire. Ok, à tout de suite. Thank you. said here so clear, your story had to start. The jingle song has really rung into my aching heart. And now we shall see what the future will bring as we swing freely as one. And now we shall know what love will show us has begun. So here's to you, with care from someone. This evening came, but not the same as yesterday had been. They had come here with someone. And maybe we'll find this time is a sign for finding the meaning of one. And now we shall know what love will show us has begun. So here's to you, with care from someone. Yes. Pardon. Yes. Ça c'est un peu différent. Ouais. Très très différent même. Ça c'est la Louisiane. C'est la Louisiane. Donc ça c'est du. C'est du Zydeco. Zydeco. Donc c'est quoi alors? C'est les. C'est le. Oui, c'est la musique Cajun un peu, mais Cajun plutôt joué par des créoles et Cajun plutôt noirs. Donc les Caraïbes. Caraïbes ouais. Qui viennent. Ouais. Oui, parce que Cajun, il y a aussi une influence donc, du coup, des Acadiens, c'est ça, des anciens. C'était les catholiques qui étaient chassés par les méchants anglais ouais. Vers le sud. Ouais. Et après, il y a eu la vague d'immigration ouais, caribéenne. Oui, en fait. C'est John de la Fosse qui est accordéoniste et il a beaucoup influencé tous les autres accordéonistes Zydeco avec son style un peu. Staccato, percussive, ouais. Mais j'adore ça parce qu'on reconnaît bien là. Et c'est un peu, c'est un peu funky, c'est un peu plus de. Moi j'aime bien le bluegrass, mais on voit bien la différence entre le bluegrass et les Zydeco. On voit bien la différence. Oui, oui. Le bluegrass, il y a quand même ce. Je suis peut-être un peu fort. Il y a ce truc hyper technique, picky. Ah oui, c'est pour ça. Merci. Et ouais, on est sponsorisé par Jack Daniel's et Four Roses pour cette émission. Four Roses, the best bourbon from Lawrenceburg. Yes. Et Jack Daniel's. Jack Daniel's the best whiskey. Sour mash whiskey from. From Lynchburg. Lynchburg. Yeah. Yes. Lynchburg. Ok. Le bluegrass. Bon, il y a une dimension technique, non, il me semble, qui est plus importante, non, je crois. Mais bon, je sais pas, je suis pas guitariste. Non, c'est aussi la mandoline aussi. En fait, moi j'ai, je viens d'une famille des joueurs de mandoline. Quaker et joueur de mandoline. Alors, that makes me country. Mais les bluegrass, c'est un peu c'est souvent les mecs. Qui joue le mandoline, qui aime bien jouer hyper fort, c'est un peu comme le Yngwie Malmsteen ou le Steve Vai, tu sais, les guitares, ouais. Un peu très technique, jouer très fort, et le bluegrass, c'est un peu la course, la contre-la-montre pour jouer le plus vite possible. Le plus de notes possible. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'opposition entre bluegrass et country quand même? Enfin, soi-disant, comme la country serait de musique de droite et la bluegrass de musique de gauche. Peu comment ça, non? Non, le bluegrass. Non, le bluegrass c'est pas un truc de gauche. Quoi. Ah ouais. Je sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit. Que quand même, c'est pas des rednecks, c'est des hillbillies. Du coup, ils viennent de la montagne, ils sont moins peut-être oui, plus mais ouverts. Les hillbillies ont tout voté Trump. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Non, mais on m'a dit ça. Oui, peut-être c'est un peu plus le nord parce que c'est les Appalachian, la montagne nord. Et le country c'est plus les sud flatlands. Ouais. Je sais pas, il y a un festival de bluegrass connu à Telluride, en Colorado, donc je le disais. Ouais. Les montagnards sont généralement plus à gauche. Bon, je sais pas. Non, mais c'est aussi les gens un peu bourgeois de gauche qui aiment bien la culture américaine, comme un peu les trucs un peu bobo d'apprécier. Ouais. C'est un peu un mec comme ça. Ah oui, j'adore. Je déteste Toby Keith, mais j'adore la bluegrass. Ouais. C'est un peu ça. Je pense que c'était très bien. Merci. ce genre de personne m'a dit ça. Ok, on peut mettre un autre morceau peut-être de Zydeco ou de choses. Qu'est-ce que j'ai le Juvenile, non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça, d'accord. Ah, pardon. J'ai Professor Longhair. On me reste dans la Louisiane. Là, c'est Jambalaya, c'est le classique. Alors, on reste, c'est moins une country, mais c'est le sud. Mais c'est le sud, hein, c'est country music, southern music. Oui, c'est la country music du sud. Et, donc, ouais. Oui, j'aime bien du sud. Ça, c'est un classique, Jambalaya. Bon, c'est Louisiane aussi, hein. Ouais. Il y a vraiment un truc particulier. Oui, c'est vrai. Musique du Sud. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler beaucoup des dégâts causés par les ouragans. Là. Ah oui. Oui. Ah oui. Il y avait Laura, il y en avait un avant. Mais bon, oui, j'ai pas trop suivi, mais c'est vrai, le Texas, le Louisiane, partout là-bas, c'est la merde. La Floride, c'est la merde tous les étés. Ouais. Bon, la Floride, non, c'est bon. Allez, on écoute Professor Longhair, oui. Rock and Roll. Bisous à Louisiane. Gumbo. Yes. Hop. One, two. I'm feeling gumbo. You know tonight I'm gonna go see Mama Sharon Neal. The guitar will play, we all will be gay. Mommy, oh mama, we're gonna have fun down here on the bar. Goodbye Joe, me got to go. Me, oh mama, me got to go. Pull the bureau down the bar. Okay. Feeling gumbo. I said tonight I'm gonna go see Mama Chirimia. So goodbye Joe, we got to go. We got to go. Pull the bureau down the barrel. Having fun, drinking rum. Me oh mama, a little bit of stew will fit for me and fit you too. You see the little girl that's dressed in blue and waving her hand. She's been around a long, long time. Look at that. You see her gang? Each night I see Ellen through my bitter away from the walls of that prison at last, but I'll never be free of my sins of the past. Poor Ellen Smith, how was she found? Shot through the heart, lying cold on the ground. Yes. Voilà. Ouais, donc après Professor Longhair, c'est qui ce docteur quelque chose? Non, il fait pas du. Dr. John. Voilà, Dr. John. Dr. C'est pas John, un peu. Oui, oui c'est lui. Cajun ou je sais pas comment. Oui, du coup, c'est quoi? C'est pas vraiment. Cajun c'est music. C'est New Orleans music. Ouais, voilà. Ouais. C'est le Cajun, le stride piano, c'est la façon de jouer le piano. Professor Longhair joue le stride piano. Et oui, mais dans la Louisiane, c'est tout le jazz et le, ouais. Le rock, le country, le tout mélangé ensemble. Mm. Moi, je suis allé une fois à Nouvelle-Orléans, c'était assez bizarre. Hein. Ah oui. Enfin, c'est devenu. Enfin, je sais pas. C'était une semaine particulière. Je crois. Mm. Je sais plus quoi. Enfin, il y a ce quartier hyper trash au centre. Oui. Bourbon Street, c'est vraiment, enfin, il y a ce truc vraiment bizarre où les gens, les Américains normaux, viennent là pour faire n'importe quoi. Oui, pour faire n'importe quoi. Ouais. C'est genre Las Vegas mais de l'alcool quoi. C'était assez particulier. Ouais. Enfin, il y a toujours le, je sais pas le downside ou le, je sais pas comment on dit. Bon, moi j'ai passé là une fois tout au début de Mardi Gras. Parce que c'était après j'ai vécu à Texas. Et j'ai parti de Texas. J'étais tellement content de partir de Texas. Et en arrivant en Louisiane, j'ai trouvé que tout était génial comparé à Texas. Et j'étais à Nouvelle-Orléans pour le début de Mardi Gras. Et c'était parce qu'il y a plusieurs semaines, il y a un défilé pendant 4 semaines avant le vrai Mardi Gras. Et là, j'étais une des premières semaines et c'était génial. Il y avait des défilés, ouais. Les gens dans la rue. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. Très bien. Et après, on a. Mais moi, je crois que quand j'y suis allé, c'était pour. C'était une spring break. Voilà. Ah oui, ça c'est le. Ça va donner n'importe quoi. Ouais. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'était aussi trash. Trash. Ouais. White trash. Et après donc ce morceau, on a écouté. Alors je sais pas qui chante, mais c'est Poor Ellen Smith. Donc là, c'est apparemment c'est Bill Monroe and his Bluegrass Boys. Et je ne connais pas le. C'était pour passer une voix féminine dans cette émission. C'était une reprise, non? Ouais, c'est un truc traditionnel hein, apparemment. Mais c'était pas vraiment Bill Monroe hein. Aussi. Bah, peut-être à la derrière, non, dans les instruments, je ne sais pas. Le disque est assez peu explicite. Donc une histoire tragique d'une femme qui tue une autre femme. Il nous reste 8 minutes, donc il faut vraiment mettre les morceaux qui nous font plaisir. Mais moi j'aimais bien passer ce morceau de Leon Russell. Eh ben allez on le met. Parce que j'adore. Et en fait oui c'est quand j'ai habité à Texas j'ai pu le voir en concert, c'était génial. Il a joué devant son piano de clavier. Son pays natal. son piano. pendant 3 heures et il était déjà très vieux. Et il est mort l'année après 2016 je sais pas quand. Mais ça allez. C'est la musique du sud. For the one. c'était une reprise ouais, de Kenny Chesney. Kenny. Me and You. Le clip est génial, hein, je vous encourage à le regarder. D'accord. Bon, lui, il est assez beau, il est encore jeune. Ouais. Il a un très beau chapeau blanc. Et une sorte de polo blanc un peu gaufré. Magnifique. Ah oui. Oh man. Et à la fin, il y a des images de couple. Et à un moment donné, très subrepticement, il y a une image d'un couple de lesbiennes. Wow. Un noir comme ça qui passe, c'est pas qui c'est. C'est très marrant. Et donc ça, c'était la reprise de Tan, qui adore la country et qui a fait des reprises donc Italo ou à sa sauce de ces morceaux-là. Ouais. Voilà. Donc on va un peu en haut, en bas. Ouais. Là, tu voulais mettre un morceau de Florida Georgia Line. Oui, oui, parce que là, on Florida, est plutôt Georgia en bas. Line. On va revenir. Ouais, en fait, oui, parce que Kenny Chesney vient de Florida. Ça, c'est le oui, sud je crois, aussi. Ouais. Oui. C'est pas le Texas du cowboy, c'est le Florida. C'est un peu moins country western, c'est un peu country bof. Country bof. Mais, ouais. Mais Florida Georgia Line, c'est. Il est milliardaire, hein, je crois, ou millionnaire. Ouais. Enfin, toutes ces stars, Toby Keith et tout ça, ils sont extrêmement riches. Florida Georgia Line, oui, c'est un duo. De jeunes, ils viennent de, oui, autour de, entre Floride et Georgie. Et là, c'est le summum de le pop country, mais c'est récent alors, c'est année 2000. Oui, c'est année 2000, je ne me souviens pas l'année, mais ça s'appelle Round Here, mais c'est vraiment un tube. Tu vas peut-être entendre aussi, il parle de Fireball Whiskey. Alors c'est un peu je m'en doute qu'ils ont été payés pour faire un morceau et ils parlent de Fireball Whiskey. Parce que c'est une marque de marque whisky, de whisky, ouais. Tu ouais. sais, un peu ouais, ouais. piquante. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a pas mal des morceaux dans le pop music maintenant où c'est le product placement, comme de Jack Daniels dans un film, on est payé pour faire ouais, ça. Ouais. Et là, quand il parle de Fireball Whiskey, je crois que c'est ça. Mais c'est un super morceau. Je trouve que tout le monde va kiffer. Va adorer. Max. Et surtout... Surtout cheville. notre... Voilà. Ce qui est dit, est dit. Bon, on va écouter Allez. Ça. Ça s'appelle Round Here. Yes. Round Here, Florida Georgia Line. Pino.org. Les entretiens de Grenoble, Nico Murer, Nate Davis, represent Jack. Ici c'est Grenoble, Jack Daniel. Ici, ouais. Tired by the 5 o'clock hour, but I'm ready to raise some hell. And Jesse's getting ready. I'm gassing up the Chevy. I'm gonna pick her up at 6. I hope she's gonna wear them jeans with the tear that her mama never fixed. The moon comes up and the sun goes down. Dance in the dust, turn the radio up, and Say, Sean. See, yo, they rapping to them hoes. See, I straight up tell them hoes I got to say. Yeah, yeah. I just tell them. The way I feel, too. Man, fuck them hoes. Yo. Fuck them. That's nuts. Too much. That's too much. You're supposed to tell them two words. Fuck them hoes. Three words, huh? Bite fuck them nipples. Tell them how it is. Yeah, I live something. As we commence to kick the shit to keep a nigga buck. Niggas in the house, give it up, give it up. As we commence to kick the shit to keep a nigga buck. Niggas in the house, give it up, give it up. As we commence to kick the shit to keep a nigga buck. Niggas in the house, give it up, give it up. As we commence to kick the shit to keep a nigga buck. Well, throw your hands up. Niggas and my bitches, throw your hands up. You're listening, but you still don't understand us. You wanna get with me, then give your man up. Well, throw your hands up. Niggas and my bitches, throw your hands up. You're listening, but you still don't understand us. You wanna get with me, then give your man up. A little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, nigga, wake you up, nigga, wake you up, a little, nigga, wake you up, nigga, wake you up, nigga, wake you up, a little, nigga, wake you up, nigga, wake you up, nigga, wake you up, a little, nigga, wake you up, nigga, wake you up, nigga, wake you up. Eeny, meeny, miny, moe, won't you pop that pussy hole? If you open them doors for me, I will make you so happy. Eeny, meeny, miny, moe, won't you pop that pussy hole? If you open them doors for me, I will make you so happy. Ain't no nigga gon' pong me. It's Jimmy Juvenile and the Junkies. Ain't no nigga gon' pong me. It's Jimmy Juvenile and the Junkies. Sights make a beast that shake the whole town. We'll kick the shit that make you throw down. Sights makes a beast that shakes the whole town. We'll kick the shit that make you throw down. A little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something, something, a little something. Yes, a little something, a little something. Bon, qu'est-ce que. Ouais, le morceau d'avant, j'ai beaucoup aimé. Florida Georgia Line. Ouais. Round here. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc comme une sorte. Aux États-Unis, une sorte de. Pardon ? C'est ouais. Dans les. Ah, pardon. Une sorte presque. D'une certaine musique qui serait asservie à une consommation d'une certaine substance. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme. C'est fou comme certaines musiques, finalement. Alors créer certains mythes ou favorise certaines mythes de consommation ou est lié à la consommation. Bon, c'est assez vague ce que je veux dire, mais tu veux dire par exemple, le truc de Fireball Whiskey là-bas dans oui, la, dans non, mais ce... pas ça, mais même par exemple, moi quand j'entends cette musique, je me vois tout de suite, enfin, même ce qu'on disait avant, c'est que la country finalement parle beaucoup d'alcoolisme et finalement de boissons. Oui. Et au final, ben, du coup, ça devient. Toi, tu parlais de product placement, bon, je sais pas si c'est aussi. Et que, en fait, quand j'écoute cette musique, je me trouve tout de suite dans un certain type de bar, à un certain endroit, et ouais. Un truc, une sorte de, bon, je sais pas, une sorte d'asservissement, une économie ou une sorte de, bon, j'en sais, c'était pas très clair, mais bref, voilà. J'ai adoré ce morceau. Oui, oui, ouais, c'est. Non, mais c'est. Tu vois, comme par exemple, je sais pas, il y a des morceaux qui sont. Non, mais c'est. La musique, toute la musique est comme ça. Mais bon, bref, il y a des morceaux plus cannabis. Enfin, mais non, mais ouais. C'est nul. C'est... Non, mais. Mais là, du coup, c'est. Comme l'alcool est autorisé, enfin, c'est mainstream, donc. Ouais. Bon, bref. Mais c'est un peu. Il y a beaucoup de choses qui connectent. Beaucoup de liens entre le country et le rap music maintenant. Peut-être c'est pour ça que je voulais passer à Juvenile après, parce que Juvenile c'est de Nouvelle-Orléans, c'est vraiment la musique ouais. Du sud quoi. Ouais. Mais avec le country et le rap, on parle souvent des boissons, et avec le rap il y a des boissons fétiches, qu'on parle ouais. Dans le rap de Patron, Cristal, tout ça, ou même Nas, il parle de boire le Beck's Beer, parce que c'est ça qu'il trouvait dans les... Dans les petites épiceries à Queensbridge, tu vois. Et dans le country aussi, il y a ce morceau qu'on connaît, un morceau de Alan Jackson, je crois, qui s'appelle Jim and Jack and Hank. Ouais. Et c'est moi, c'est veut dire qu'il veut boire. Il a le Jim Beam, Jack Daniels et Hank Williams. Et c'est un peu le product placement. Mais ouais, je sais même pas s'il est payé pour ça. Mais c'est certaines boissons deviennent une partie de la culture, comme le Old English était une partie de la culture dans les années 90 avec le rap ou bon. Comme le syrup. Là non, c'est quoi ce morceau? Ça c'est City of Syrup. Man, a Big Pokey and ESG. Ça c'est Houston. It's Houston. Houston. So Houston is a city of syrup. Yes, the city of syrup. This is some 90s Houston rap stuff. There was a, but it's a funny story because there was a story. There was the la musique en fait c'est d'un autre morceau qui s'appelle Whoa, tu sais, like ouais. Whoa. C'était un tube, mais c'était un truc de New York, je crois. Je me souviens pas, mais c'était pas du sud. C'est un truc de New York, je sais pas, okay. Qui s'appelle Whoa, like Whoa. Je crois qu'il s'appelait Black Mike, le rapper. Mais là, ils ont dit, oh oui, dans le sud, on dit pas wow, on dit man. Alors, on fait le morceau qui s'appelle man. Ah, c'est Big Pokey ST, like man, instead of wow. Okay. Ça, c'est vraiment Houston. C'est, Houston, c'est la capitale du rap du sud. Non, c'est Atlanta. C'est Memphis, c'est Atlanta. Atlanta. Houston, c'est DJ's Crew. Bon, bref, oui, peut-être. Oui, oui. Mais c'est pas un rappeur. Oui, mais Atlanta, c'est la capitale de rap du monde, mondial. Mais bon, pour moi, c'est Memphis, mais bon, on en reparlera. Ouais. Il faudra que tu reviennes, que tu passes des morceaux de. On fera Atlanta-Memphis. Ouais. Même si on a déjà fait une émission à Memphis, mais bon. Mais alors quoi, wow man, comment wow tu dis ça dans man. Une phrase? C'est une interjection ouais. À la fin mais du pas, phrase, parce que le morceau original c'était like wow, il dit quelqu'un fait oui, quelque mais chose. Comment tu dis wow? Ah oui. Like wow, quelqu'un fait quelque chose incroyable ou vraiment ouais. Scandaleux ou horrible, il dit like wow. Et tu dis like wow. Like wow, mais c'était pas c'était wow, l'original. Like wow. Et ici il dit man. Au lieu de like wow. Au lieu de like wow, c'est juste. Man. Oui. mon ok. Man. Ouais. Ah oui, ok, ça, j'ai compris. Ouais. J'ai compris. Big Pokey, je crois qu'il est mort dans les années 2000. ESG, je sais pas si. ESG, c'est pas le ESG que les. Non, les c'est internautes européens. C'est un rappeur de Houston dans le Screwed Up Click, tout ça. Mais c'est super morceau. C'est Big Mo, c'est Big Mo aussi, oui, c'est ça. Non, c'est Big Mo qui est mort. Big Pokey, je sais pas si il est. Ça c'est presque boom bap. Non, c'est pas boom bap. C'est pas boom bap. Dirty South. Turn it upside down and I'ma sip it. Give me a kilo and I'ma whip it. Ship it, distribute it just like tapes. When I touch the track get right. A gorilla, untamed, nigga know my name. Sensei, man. All my G's are stacking in, say man. All my ballers in the pen, say man. Where y'all at in SA, say man. California, all day, say man. Brooklyn, Queens, let me hear you say man. Jersey fellas, let me hear you say man. Florida killers, let me hear you say man. Tampa Tillers, Miami, say man. Shreveport, Monroe, say man. Alexandria, PA, say man. What y'all think is us here, say man. Red Shop, in the door, say man. Pour me another drink. Cause I don't wanna feel a thing no more, hell no. I just wanna sip it till the pain wears off. Pour me another round. Line them up and knock them down. Two more, let's go. Cause I ain't never heard like this before. Don't wanna think about her. I wear a ring without her. Don't wanna hit the karaoke bar, can't sing without her. So make them drinks strong, cause brother she's gone. And if I'm ever gonna move on, I'ma need some whiskey glasses. Cause I don't wanna see the truth. She's probably making out on the couch right now with someone new. Yeah, I'ma need some whiskey glasses. I'ma need a double shot of that heartbreak proof and see the world through whiskey glasses. And see the world through whiskey glasses. think about her. I wear a ring without her. Don't wanna hit the karaoke bar, can't sing without her. So make them drink strong, cause brother, she's gone. And if I'm ever gonna move on, I'ma need some whiskey glasses, cause I don't wanna see the truth. She's probably making out on the couch right now with someone new. Yeah, I'ma need some whiskey glasses if I'm gonna make it through. If I'ma be single, I'ma need a double shot of that heartbreak proof and see the world. Knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back. Fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up. Cause if she ain't ever coming back, light 'em up, light 'em up, light 'em up, light 'em up. Knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back. Fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up. Cause if she ain't ever coming back, I'ma need some whiskey glasses, cause I don't wanna see the truth. On the couch right now with someone new. Yeah, I'ma need some whiskey glasses if I'm gonna make it through. If I'ma be single, I'ma need a double shot of that heartbreak proof and see the world. Around the truth. Oh, sip around. Have you think sip around the truth? No, sip around the truth. Wow, that's a good deep. That's a good thing deep. To say. Yes. Can you sip around? Sip around the truth. So you just say sip around and you can sip around, right? No, no, c'est un truc qu'il a inventé. Ouais. Dire sip around the truth. Eh oui, c'est ce que that's what I wanted to but say. You can't say that's sip what around. I meant. You sip something, you sip whiskey, and you get a sip around the truth. But you still can say sip around the truth if you want to in a song. Oui, mais personne va comprendre si tu dis ça. I did understand. Oui. Non, mais je veux dire, oui, parce qu'elle dit, toute l'idée de Morceau, c'est qu'il ne veut pas accepter la vérité, alors elle va boire. So, on disait que c'était l'opposé du morceau du début de Neil oui. McCoy, If I Was a Drinking Man. Oui, c'est ça. Et ouais. Alors c'est tout l'enjeu de boire pour oublier, oublier la souffrance. Ça c'est Morgan Wallen, et lui, ouais. Lui c'est un drinking man. He's a drinking man. You gotta be drinking. you gotta be drinking. He's a drinking man. Yes. Ouais, mais bon, moi je trouve ça génial. Voilà. Cette incentive, cette yes. motivation à boire par la musique, comme une sorte de cercle. It's nice that they accept that. Ouais. Know, like, oui, c'est vrai. Il y a un truc finalement un peu. If you have a problem, sometimes you just need a drink. Ouais. Some whiskey. Mais bon, c'est peut-être un moralisme. Enfin, c'est peut-être un faux immoralisme. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où ouais. c'est juste. Un truc de consumérisme, bon bref, voilà. Oui. Je ne sais pas. C'est le country aussi, de dire, ah oui, le country, oui, nous, dans le country, nous, on boit le whisky quand on a un problème. Ouais. C'est, oui. Peut-être c'est aussi une différence avec le bluegrass, finalement. Il y a beaucoup moins d'alcool. Peut-être. Enfin, si tu bois beaucoup, tu peux être moins, c'est t'es moins rapide. C'est difficile à jouer très vite. Oui, j'imagine. C'est peut-être rapide. Une différence. Bon, merci Nate d'être venu. L'émission n'est pas encore terminée, mais merci, on continue. Merci à toi pour l'invitation. Je pense que tu reviendras pour un épisode 100% rap. Mais avec plaisir. Voilà. Et on peut mettre peut-être encore un peu de musique Zydeco, justement. Mmh. Oui. Un peu de John de la Fosse encore. Ah, ou Poor Man's Two Step. Ah ouais, c'est John ouais. de la Fosse. Nouvelle-Orléans. All right. Annoying. I can understand why bluegrass is more annoying than country. This geeky, I don't know, this dork. Yeah, exactly. They just want to play as fast as possible. Yes. I don't know. My girlfriend introduced me to this music because former husband was his family was kind of a Quaker, not Quaker, but from Great Britain, and they were making a pot. How do you say that? Pottery. Pottering. Ceramics. Yeah, and they were absolute fans of bluegrass and this and that. So I don't know. I'm still. I have mixed feelings. Mixed feelings about bluegrass. Yes, especially here when you. I don't know. I don't like this song personally. Great Balls of Fire, but. You can tell they're just trying to play as fast as possible. Yeah. I remember there was a song that you liked that I played before, the Nobody in His Right Mind, the George Strait. Yes. I remember playing that for you and you thinking that it was a lovely song. Maybe we can end on that. If you All right. Okay. Merci à tout le monde. Merci à Rob. Thank you, Rob, for listening. Thank you, Rob. And the other ones. Thank you, Nico, Nate. Merci, Nico. Merci, Chevy. Thank you, everybody. Yes. Draw straight. All right. Bye bye. I burn with desire. Each time my heart fans the fire to that old flame that burns rage inside of me. She cried when I left her, now I cry to forget her. Oh, how foolish I was to ever want to leave. Cause nobody in his right mind would have left her. I had to be crazy to say goodbye. Nobody in his right mind would have left her. Even my heart was smart enough to stay behind. I still carry her picture. I wish her well with a new love. I know she's found by now. Each night finds me dreaming. Each day I spend thinking how much I wish she was still around. There's nobody in his right mind would have left her. I had to be crazy to say goodbye. Even my heart was smart enough to stay Elijah, still an old